enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains. Enfants de tout pays, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Pingette Nancy 94.2. Daniel en votre compagnie, Yves à la technique pour vous présenter le patchwork numéro 13. Porte-bonheur. Patchwork, elle écoute des musiques du monde. Et la programmation de ce jour comprend du zouk antillais, ben ça c'est une tradition, une balade, une promenade autour du mot con, C-O-N, une évocation de l'Égypte et deux coups de chapeau à Gaël Faye. Place au zouk, Pris Fola. Évocation musicale de l'Égypte aujourd'hui. Ben, l'Égypte, c'est un pont entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et son histoire remonte à l'époque des pharaons. Et là, j'ai un sourire et je pense à mon ami Serge qui nous parle toujours des fanfarons. Les pays voisins sont la Libye, Israël et le Soudan. Population de l'Égypte. Ah, nous avons des stagiaires aujourd'hui. Elsa et Paul, combien d'habitants en Égypte? Ben, je ne sais pas, mais comme c'est écrit, je dirais 95 millions. Tout juste, Elsa. 95 millions. Ah bah, tu parles. Capitale. Bah, c'est le Caire, ça je le sais. Le Caire, elle sait tout, avec 10 millions de Caïrates, et parmi les autres grandes villes, Alexandrie, Gizeh, Assouan, Assiout, Port Saïd, Suez, Louxor. Le canal de Suez, ah, il en a fait couler de l'eau, long de 193 kilomètres, relie Port Saïd sur la mer Méditerranée à la ville de Suez sur la mer Rouge. Et il permet ainsi de relier les deux mers. Chanson égyptienne, Obo Ghana, Sherine. مستنى رؤاه مهما قلت له اتحكى له. Zoufris Maracas. Est-ce que tu connais, Paul ? Le titre ? Non, c'est le nom d'un groupe de musique française. Non, je ne connais pas. Alors, c'est formé par deux amis d'enfance d'origine sétoise. Il y a Vincent Sanchez et Vincent Allard. Et le nom de Zoufri, c'est un mot qui fait référence aux ouvriers algériens qui sont venus bosser en France dans les années 50. Alors, en 2014, c'est-à-dire il y a 5 ans, pour achever leur tournée de leur premier album, ils se sont offert une soirée complète au Cabaret Sauvage. Et la recette collectée au chapeau a été reversée à un collectif de sans-papiers. Et la chanson que j'ai sélectionnée aujourd'hui, c'est « Les cons, Zoufris, Maracas ». Moi j'écris des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire que vous l'êtes bien, que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain. Moi qui vous vois toute la journée, vous avez pas l'air de rigoler. Le matin vous partez au boulot, le soir vous rentrez au tombeau. Je veux pas cracher sur vos petites vies, mais quand même elles m'ont l'air pourries. Vous allez bouffer en grande surface, vous devriez savoir que c'est dégueulasse. Vous prenez jamais le temps de rien, vous venez teigner comme des chiens. Et puis après pour vous calmer, vous achetez une nouvelle télé. Je crois que ça va vous faire du bien, les téléfilms américains, la propagande de l'OTB, les jeux où on gagne du pognon. Vous avez pas encore compris que vous en aurez jamais assez, que c'est empli de mépris qui vous boufferont jusqu'au trognon. Moi j'écris des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain. Si j'avais voulu l'inventer avec toute ma bonne volonté, jamais je serais allé si loin, c'est certain, c'est certain. Je vous fous pas tous dans le même panier, vous pourriez pas tous y rentrer. Plus moi ça me filerait le bourdon de voir une telle concentration. Constellation, conspiration, consternation. La connerie individuelle, même si parfois elle me dépasse, ne sera jamais aussi cruelle que la sacro-sainte connerie de la masse. Celle qui nous fait faire la guerre, qui nous fait voter pour des cons, qui dans un land instinct grégaire nous fait respecter notre patron. Faut dire quand même cet enfoiré sur nous qui fait son pognon, il nous la met toute la journée, il faudrait qu'on reste mignon. Et je vous parle pas des banquiers qui ont dévalisé le monde entier sans que personne lève le petit doigt. Moi j'ai pas droit au chic en bois, et toi tiens droit, non tiens pas droit, toi t'es comme moi. Mais que faudra-t-il qu'ils nous fassent pour qu'au final on réagisse? Si les familles nous laissent de glace, si Serge Dassault protège nos vices. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire qu'il y a les gens bien, c'est certain, c'est certain, c'est certain. Ils sont 200 fois plus nombreux que la bande d'imbéciles heureux qui nous emmène tous au carton avec trompettes et clairons. C'est qu'on se parle pas, coincé dans le chacun pour soi, persuadé qu'on est les seuls à voir qu'on va se manger la gueule. Mais ça, on va pas se rater, ça. Alors je lance ça sans trop y croire, parce que je vis de musique et l'espoir. Mais là vraiment, il serait grand temps que le bon peuple montre les dents. Et qu'on explique qu'une fois pour toutes à ces salauds qui surfent nos doutes, qu'on va les jeter en prison. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Pas qu'il y a déjà peut-être pas ce quoi. Puis quand on est là réunis, on n'a qu'à décider d'un jour. Moi je proposerai le lundi pour enfermer tous ces vautours. Je sais pas où ça nous mènera, mais ça pourra pas être pire que de laisser à ces scélérats le soin de bousiller notre avenir. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est que je sais pas comment vous dire qu'une petite révolution leur redonne à tous le sourire. Place au zouk. Le zouk, vous connaissez, je demande à Paul et à Elsa, bien entendu. Paul a un micro, Elsa n'en a pas parce qu'elle est aux commandes de la technique. C'est bon, j'en ai un. T'en as un. Donc le zouk, ça vous dit quelque chose? Oui. Rapidement. Rapidement aussi. Oui, vous aimez? Bon, on n'est pas obligé d'aimer, hein. C'est pas quelque chose que j'écoute quotidiennement, mais pourquoi okay. pas vous. Bon. Et Guilou, Guilou, c'est un chanteur guadeloupéen qui fit son entrée sur la scène antillaise dans les années 80 et chantait déjà du zouk en français avec des refrains créoles. L'artiste, que l'on sait chrétien et pratiquant, a décidé d'arrêter le zouk et se consacre maintenant essentiellement à la religion et il exprime désormais son talent à travers le gospel. Fille du soleil, Guilou. Thank you. De chapeau à Gaël Faye. Gaël Faye, il est né au Burundi en 1982. C'est un chanteur, rappeur, auteur, compositeur, interprète et écrivain franco-rwandais. En 1995, à l'âge de 13 ans, il fuit son pays natal après le déclenchement de la guerre civile et le génocide des Tutsis pour rejoindre la France. Depuis 2015, il vit au Rwanda avec femme et enfants, et Gaël Faye dévoile le 19 octobre 2018, donc il y a quelques mois, la ballade brésilienne, extraite de son enregistrement public « Des fleurs », sortie le 2 novembre dernier, « Ballade brésilienne, Gaël Faye ». La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches, on fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries.

يوم الجمعة مليان بعيلة بتملى المكان. حب كبير فرحة وخير وإحساس بالأمان. بيت جدتي الجميل موجود هنا بقاله زمان. بيت جدتي الكبير كبر وصغيرين حابينه تاخدنا الدنيا ومش ناسينه. واللي سابونا مش سايبينه تفهم بينا مالي الأركان. من بدري الصبح وأنا صغير ولادي أهم والله ما اتغير. لعب وعيلة كأنه عيد راحة ونور عمال بيزيد. وخدوني ورحنا هناك عشت في كان لي اسبوع حلقات وبرجالات. شايف كل حياتي فيه حاجات جايه وذكريات. واول مره في صليت وهنا كتابي اتكتب. بيت جدتي الكبير كبر وصغيرين حابينه تاخدنا الدنيا ومش ناسينه. واللي سابونا مش سايبينه تفهم بينا مالي الأركان. من بدري الصبح وأنا صغير ولادي أهم والله ما اتغير. لعب وعيلة كأنه عيد راحة ونور عمال بيزيد. Des cons, il y en a partout. Oh, on ne peut pas les compter. Oui, mais comment savoir si on est concerné? Ah, s'il y avait manqué cons sur tous les fronts des cons, on les reconnaîtrait et on les contournerait. Les cons, les binuchards. Des cons, il y en a partout. On ne peut pas les compter. Oui, mais comment savoir si on est concerné? S'il y avait marqué con sur tous les fronts des cons, on les reconnaîtrait, on les contournerait. On les contournerait. Il y a les convertis, trop contents d'être cons, les inconditionnels de la connerie. Ils se sont reconnus, ils se sont concentrés. Et puis ils ont formé la confrérie des cons. La confrérie des cons. Les cons se reproduisent et j'en suis consterné. Car ils sont déjà cons bien avant d'être nés. Autant de convictions dans la reproduction. Ils ne seront jamais en voie de disparition. En voie de disparition. Y'a le concubinage, inventé par un con, pour donner des complexes et faire des conjoints, pour faire du mariage un conditionnement dans la société de consommation. De consommation. Cons de tous les pays, tenez-vous. tendez-vous donc la main, partez à la conquête du royaume des cons. Vous n'aurez pas de mal à vous trouver un roi. Il y a tant de cons qui veulent être sacrés cons. Qui veulent être sacrés cons. Puisqu'il y a tant de cons, il faut se consoler. Oubliez ma chanson, oubliez d'être con. Car il est préférable, confidentiellement, de passer pour un con plutôt que d'être con. Plutôt que d'être con. Je vais arrêter là ma complainte sur les cons. On pourrait porter plainte, y'a des cons qui le font. Mais s'ils se reconnaissent à travers ma chanson, c'est la plus belle façon de prouver qu'ils sont cons. De prouver qu'ils sont cons. De prouver qu'ils sont cons. De prouver qu'ils sont cons. De prouver qu'ils sont cons. Eddy Bordoran est un artiste martiniquais et on découvre son nouveau single Zouk 2018, extrait de la compilation Zouk Player 2018, ça ou décider Eddy Bordoran. Si tu savais d'où qu'il y en chez moi. Pas t'es qu'y agit comme ça. Et puis moi, y'a des chagrins, moi ni en tchèque pour toujours. Ou pas même ça, ça ou en vie. Dis-moi, malgré tout ça, moi espéré pour nous. Tous les caries montés en moi, tous les jours. Si moi fais mal, si moi te fais la paix. Chez moi, dis-moi, mais si tu as envie de partir, souris à la vie, trouver un autre plaisir, goûter moment folie. Mm-hmm. La lecture de l'anglais m'a rendu célèbre et celle de l'égyptien. L'égyptien n'aura sans doute rien à envier. La cuisine égyptienne est avant tout un mélange de nombreuses spécialités méditerranéennes, turques, grecques et surtout syro-libanaises. Le sésame est un ingrédient de base, notamment pour le tahina, crème à base de sésame, le hummus, purée de pois chiches au sésame, et le baba ganoush, purée d'aubergine au sésame. Une salade typique, la salata baladi avec concombres, tomates, oignons et plus ou moins de salade verte. Le taboulé avec beaucoup de persil, un peu de semoule, le foul et non pas le fioul. Nourriture de base pour une grande partie de la population, composée de grosses fèves brunes mijotées en ragoût avec huile, citron, cumin, et le foul se consomme surtout au petit déjeuner, à la place des croissants. La soupe mouloukeya, un peu gluante, avec du riz et du poulet grillé. La soupe chorbetats, aux lentilles, ça c'est un peu connu. Les viandes, alors les plus souvent servies, le chiche kebab, kebab ça veut dire mouton, hein. Donc brochette de mouton, le kofta, boulette de viande hachée, de mouton également. Poisson, alors le poisson local, le samak, est excellent et on apprécie les grosses crevettes gambaris. Par contre, alors on se méfiera des autres fruits de mer qui ne sont pas toujours d'une extrême fraîcheur. En dessert, le mealabeya, une crème à base de farine de riz parfumée à l'eau de rose avec des pistaches, ainsi que les atayef, petits beignets frits avec des noisettes, des noix et des pistaches. En infusion, on donnera une mention spéciale à la carcade de fleurs d'hibiscus. Bon appétit, baby clean bandit. Oh, Deux titres pour la chanson suivante, une chanson de Georges Brassens, ce deux titres dont Le temps ne fait rien à l'affaire, titre inspiré par le misanthrope de Molière au cours de dialogue entre Oreste et Alceste. Je prends le dialogue. Ce ne sont pas de grands vers pompeux. Oreste, vous saurez que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire. Oh, voyons, monsieur, le temps ne fait rien à l'affaire. Sous-entendu, quand on est con. Et c'est le deuxième titre d'une chanson dans laquelle le son con est répété 32 fois, une réelle provocation signée Brassens dans les années 50. Quand on est con, Georges Brassens. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Deuxième coup de chapeau à Gaël Faye, chanteur et écrivain avec son livre « Petit pays ». Il obtient le prix Charles Cros des lycéens, le prix du roman FNAC, le prix Goncourt des lycéens, finaliste du prix Goncourt en 2016 et révélation de la scène à la 33e cérémonie des Victoires de la musique, ma femme Gaël Faye. Ma femme, c'est une pompe, une hécatombe. Quand elle passe dans ton monde, tous les gars tombent. Ma femme, c'est de la cam, c'est de la coke en kilogramme. Elle est au top du palmarès, elle a fait péter vos diagrammes. À côté les autres, elles ont des tronches de gorille. Y'a les femmes et y'a la mienne, allégorie hors catégorie. C'est pas la peine d'essayer de la guettera. Elle en a rien à faire du vermicelle derrière ta guette-bras. Accro, je suis à cran, c'est la muse de mes écrits. Elle a transpercé l'écran, c'est un diamant dans son écrin. Une femme, une vraie de vraie, regarde comme elle est gaulée. J'aime pas la voir partir, mais j'adore la voir s'en aller. Je l'entoure de mes bras, ma beauté, ma seule princesse. Jusqu'au bout du monde, je me battrai pour que jamais les trains ne cessent. Regarde sa cambrure, ses seins qui foutent le faya. Je les pousserai baie de tous les saints. Salvador de Paya, de tous les dons du ciel, c'est le cadeau du plus offrant. Ma femme, elle est trop belle, regarde sa peau couleur safran. Ma femme, elle déclenche les ambulances et leurs sirènes. Si le monde était beauté, tu vivrais sous son règne. Son parfum est une ivresse qui te rend sous la mie. Elle est classe comme une négresse et dangereuse comme un tsunami. Indépendante est ma femme, l'intelligence incarnée. C'est la reine de Saba, c'est Cléopâtre réincarnée. Ma femme, c'est de la foudre, l'orage, les cataclysmes. C'est ta foi, ta religion, l'abjuration des hommes d'église. C'est la belle fille que je présente à ma mama. J'en suis sûr que c'est la bonne dans les artères ou le magma. Je lui ferai des gosses, des bambins, une flopée de mômes. Parce qu'à la guerre sur la terre, on va repeupler le monde. Ma femme, j'en ferai des disques, des films et des bouquins. C'est la goutte de sang dans l'océan qui rend fou les requins. Je sais qu'elle traumatise, donc tisse ton verre ou termine ton spliff. C'est pas des revolvers dans ses yeux verts, y a des vannes de longs rifles. 1, 2, 3, 4, 5, elle est simple, une beauté qui s'ignore. C'est une femme en or à ses côtés, je deviens seigneur. Cette femme, elle fout en l'air, c'est le requiem du rêve. Élixir du nectar des dieux, j'ai la cuillère aux lèvres. Elle est belle comme le péché, une séquelle, un vrai scandale. Je suis le prêtre avec les clés du temple et je deviens vandale. Cette femme, c'est pas de la Letzou ou de la Lollipop. C'est du pora Brooklyn Zoo, du rock'n'roll et du hip-hop. Je succombe à sa démarche, cette langueur qui se pavane. Avec les cheveux dans le soleil, elle danse rue de la Havane. On a mis le Cap Vert, cette plage du Cap Vert. Au piano, il y aura Ruben, au micro, Ibrahim Ferrer. Au creux de son oreille, j'irai glisser Ndagukunda. Je t'aime dans toutes les langues du monde, Umguanesa. Bon, c'est bien, on est allé en Égypte, maintenant il faut prévoir aux copains qu'on y est allé. Que va-t-on ramener d'Égypte ? Alors, proposition, une chicha ou un narguilé pour la décoration. Donc, c'est clair qu'on ne va pas faire la promotion pour les fumeurs. Hein. Des flacons de parfum très fragiles, aux formes inhabituelles, une lampe suspendue en cuivre, des statuettes souvent estampillées « Made in China », figurines des dieux antiques en albâtre, ah tiens, un sphinx en albâtre également, un tapis, des épices et des bijoux, mais aussi un tableau de papyrus. Ah, le papyrus. Qu'est-ce que c'est que le papyrus ? Ben, le papyrus est une plante qui pousse sur les rives du Nil et de son delta. La feuille de papyrus est un support d'écriture obtenu par superposition de fines lamelles tirées des tiges de la plante. Bah, attention, il existe beaucoup de faux papyrus. Chanson égyptienne, Hamza Namira, Artmast. نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس شدة وغصرات مايع رعب وهلواس نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس شدة وغصرات مايع رعب وهلواس وخرب لمتنا في الليالي الأغطال أنا خدّى جراري من البرد فينيك وخرب لمتنا في الليالي الأغطال أنا خدّى جراري من البرد فينيك قمر الغربة صار بايع خوان بكل خدايع ضيو ماري عقلي تمحل صار طايع لهموم البدرة والفجايع منها تهدي مع اخواني من غريب ما يفهم المعاني وصلي مرتاح نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس شده وغصرات مايع رعب وهلواس نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس شده وغصرات مايع رعب وهلواس انا المكسوب انا زعلي ماما غربة صعيبة والعمر صغير لما يكرهونا ما ياش دراما نعمل اللي في راسي واللي يصير يصير حبيت جامع حنطير فترة نعيش كيف الناس هما مضامين والأحوال مش لاباس الغربة ديما فايقين ما نعرفش نعاس صممنا النيكوتين والتخمة مشى بالراس مازلنا زادمين أموري أموري هما قلقين شي تم بدل ديكوري معجبهم شي باسبوري أموري ومازلنا زادمين أموري أموري هما قلقين شي تم بدل ديكوري معجبهم شي باسبوري مي أموري ويلو اللي قليل ظهر وما يلقى حبيب عالغفلة طعف ظهر والرب طبيب ويلو اللي قليل ظهر وما يلقى حبيب عالغفلة طعف ظهر والرب طبيب خوفي يفنى في